jusqu'à l'année prochaine. C'est pas long, un an, hein? Ben, espère qu'ils feront pas ça au mois de février, au moins, hein? Non, non, c'est pas mal tout le temps en novembre. Pas mal sûr, avec le nom, pas mal sûr que ça va être novembre, là. Pas mal sûr. Mauvrier! Mauvrier! écoutez donc, Assemblage requis du lundi au jeudi entre 7h et 9h pour ses obscénités et d'autres avec François-Olivier Marchand et moi-même, Mathieu Plante. Stéphanie va être là lundi d'ailleurs avec ses deux chroniques Take Me Out avec des sorties spectacles et ton plat favori avec ses coups de cœur de la semaine. Tout à fait. Ça va être lundi entre 7h et 9h. Be there! Sans faute. Ouais. Without, en tout cas, moi, j'ai pas vraiment le choix d'être là sans faute. Non, sinon t'es the wall. Non! Non!